Il manquera toujours un franc pour faire deux. Choisis de vaincre ou perdre. Yeah, ah, yeah. Dans cette course au bout du désert. Tu ne vaux pas un seul pour le noir, c'est lousse. Passe-moi le micro mec, avant que ça parte vraiment au pire, oh merde. Pour il ou elle, le bien-être proche, j'en vois la silhouette. Comme un ami souhaite, que des merveilles donc converties en girouette. On ne sait qu'à la fatalité frappe ni d'où elle vient. Comme un poisson dans l'eau mais pas dans leur aquarium. De longues faux test, encaisse mes fiers sur ma vie l'homme. Avec le peu que mes efforts me rendent, jusqu'à se demander qui les commande. Bien sûr qu'on s'innocente. Il paraît que si l'éclaireur trouve pas la porte, personne sort. Faut foncer pour le soldat, le sponsor. Pas mais ce qu'un mec, peu importe, quand nous porte main forte. Sache que les biens te tout pousse très loin si ne t'emporte. Quand tu viens d'un environnement qui cogne fort, 9 fois sur 10, j'incorpore le mécanisme qui te porte. Tort, ta faute, non. Le tout est de savoir où est quand c'est parti en couille. Savoir dire un jour stop, stop, j'colle fort. Les bonnes phrases comme au porte à porte. Ici on ne souffre pas comme le peuple noir ou peuple serbe. Un jour on m'a dit trouve un job, pousse ton pote. Enfin prouve au snob que nul n'est au-dessus de l'autre à tous les scores. Ta vécu résume de là à peu près ou presque. Pas une raison de se laisser perdre. Il manquera toujours un frein pour faire deux. Dans cette course où beaucoup désertent, choisis de vaincre ou perdre. Cette vie c'est toi qui la vis ou merde. T'as de vécu résume de là à peu près ou presque. Pas une raison de se laisser perdre. Il manquera toujours un frein pour faire deux. Dans cette course où beaucoup désertent, choisis de vaincre ou perdre. Cette vie c'est toi qui la vis ou merde. Alors comme ça on se fait prier, faut pas griller les étapes, créer les ordures, se plier aux ordres. Minel dort, foutre ce que tu aimes ou foutre ce qui te gêne. Pourquoi te prêter ce qui te rend dingue. Laisse-moi évoluer avec une tête pour l'autre shit, l'eau, crime, l'homme fit vingue, l'homme fit fric. Une vie où stole, quitte, l'union fait moi et ma clique. Dans cette vie de chien, écoute, tu me sens les mêmes. Bluffé ou tâté, un peu ou frappé, c'est le premier point en plein sans triomphe. Les faux s'y donnent, les vrais se la donnent. Travaille pour que mon rap klaxonne, rap réalité, rêve de qualité, je te jure. Vaincre ou perdre, bordel m'appelle. La rue au loin, le gros faux bout, tu fais le grim ou drugstore. Combat de croque mort, tournoi de Dunkin' sous ta fenêtre. Comment perdre si la rime est honnête. Yeah, t'as de vécu résume de là à peu près ou presque. Pas une raison de se laisser perdre. Il manquera toujours un frein pour faire deux. Dans cette course où beaucoup désertent, choisis de vaincre ou perdre. Cette vie c'est toi qui la vis ou merde. T'as de vécu résume de là à peu près ou presque. Pas une raison de se laisser perdre. Il manquera toujours un frein pour faire deux. Dans cette course où beaucoup désertent, choisis de vaincre ou perdre. Cette vie c'est toi qui la vis ou merde. L'argent, la haine, le sexe nous poussent à faire des trucs de dingue. Vaut mieux qu'on serre les coudes, envoie à droite, gauche, mais tiens le coup. Et ici comme partout, c'est la même merde qu'on décrit. Nos ruelles crasseuses, pleines vol de crimes, de gars qui crient. Trop cheap, n'ont plus de raison de vivre. Ivre le jour, la nuit, seul, sans solution. Tu vois, notre génération, c'est la merde. La projection sur l'avenir me donne des frissons. Tellement j'ose pas penser dans quel monde nos enfants vivront. Tous contaminés par l'argent, ils pensent que c'est la frime, le fric qui détermine ce qu'ils sont. Les voitures, les femmes, tout ce qui l'en suit, tout ça c'est éphémère. Quand tu pars t'emportes rien, à part les drablots et le respect des anciens. On est mal au fond de nous, mais on le fait pas voir. On a du mal à exister dans cette vie. On cache les émotions, seul on frissonne fier. Alors on se camoufle pour pleurer. Tu sais ici c'est jamais montré qu'on souffre. Jamais montré qu'on a peur, non. Jamais montré qu'on aime, en fait on a peur. Que toutes ces émotions nous affaiblissent. Alors on se referme sur nous-mêmes et nos cœurs deviennent pierre. Et on s'en pègue et on rêve. T'as de vécu résume de là à peu près ou presque. Pas une raison de se laisser perdre. Il manquera toujours un frein pour faire deux. Dans cette course où beaucoup désertent, choisis de vaincre ou perdre. Cette vie c'est toi qui la vis ou merde. T'as de vécu résume de là à peu près ou presque. Pas une raison de se laisser perdre. Il manquera toujours un frein pour faire deux. Dans cette course où beaucoup désertent, choisis de vaincre ou perdre. Cette vie c'est toi qui la vis ou merde.